Yo, hey, c'est Angry. Spicy comme le show de l'été. Spicy, pas ici, mais c'est spicy. Let's go. C'est spicy. Le show, c'est collant, j'ai redonnerre, inquiétant. Collez-le, parmesan, je suis spicy, c'est inquiétant. Progrès exubérant, pété en sacrament. Des rimes, j'en ai en dedans, je ne suis pas patient. Piment dans ma salsa, lâchez ce maman parfois. Pour nutriments, Santeria, piranha de la mafia. Je rentre dans le game comme Spartia. Du régiment, moi je ne suis pas sympa. Il fait tellement chaud, même tout en haut de mon château. Il fait tellement chaud, je m'ennuie de ces temps hivernaux. Il fait tellement chaud, viens t'en dans mon auto. Il fait tellement chaud dans mes sexes à 60 chevaux. Non, j'ai pas de Volvo ni de Peugeot. J'ai une Audi, elle est spicy. Des belles fesses arrondies, un cul jelly. Peut-être même un peu freaky. J'vole tête, mais je ne suis pas flappy. Détecte sur mon ordi. Spicy.